Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leaves this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippee-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Et il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 50! Yes! 50! Du bras de faire des films. Ok, je suis tout seul à m'exciter. Mon nom est Jean-François Tremblay et avec moi, mon fidèle acolyte, Steven Lefrançois. Salut Steven! Salut Jean-François. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Steven? Parle-moi de tes problèmes. Ça va pas. C'est pour ça que j'arrive pas à m'exciter autant que toi. C'est parce que je me trouve vieux, tu sais. J'aimerais ça avoir la chance de retrouver mes belles années de jeunesse parce que 28 ans, c'est rendu trop vieux. J'aime pas ça. Puis, je suis triste. Quel âge tu voudrais avoir? J'aimerais ça réavoir 25 ans. Non, Quand tu étais jeune et innocent. Jeune et innocent, exactement. Ça fait pas si longtemps que ça pourtant. Mais la vieillesse m'a dit que ça arrive vite. Hein. D'un coup, tu arrives dans vingtaine. Oublie ça, même 18 ans, là, on dirait que les années s'accumulent trop vite. Noël arrive trop vite, alors que quand t'es jeune, ben c'est trop long avant qu'on développe tes cadeaux. Là, c'est trop vite. Puis je vois la trentaine arriver assez rapidement, fait que je comprends les gens ou les personnages dans les films qui ont de la difficulté avec la vieillesse, puis ils se rappellent les jeunes années, puis c'est comme « Oh, je pourrais jamais retrouver ça. » À moins que je trouve un biscuit magique ou que je trouve une salle de photographie spéciale qui va me redonner ma jeunesse. Et toi, JF, comment c'est pour toi la vieillesse? Parce qu'on se le cachera pas, tu fais le double de mon âge. Puis non, OK, je fais mon baveux. Mais comment c'est pour toi le fait de ne plus avoir pareil dans la vingtaine? C'est-tu difficile? La vingtaine a été difficile. Honnêtement, la vingtaine a été difficile parce que pour diverses raisons, là, parce que je me cherchais, que j'étais pas heureux dans ma peau, dans ma tête, tout ça. Puis je pense que 29 ans, ça a été dur parce que c'était comme de dire adieu à la vingtaine. Mm. 30 ans, les premiers mois, ça a été un coup de vieux. Puis après ça, ça s'est mis à s'améliorer vraiment considérablement. Puis toute la trentaine. Personnellement, la trentaine, c'est la meilleure décennie, selon moi, là, dans la vie. Dans mes quatre décennies de vie, c'est la meilleure, selon moi. Là. Fait que j'ai hâte de voir pour la quarantaine. Ça approche dans un an et quelques. Je vais avoir 39 en février, mais c'est dur à croire. Mais, ouais, c'est vrai. Hein, tu fais pas ton âge. C'est dur à croire pour moi, en fait. Plus que pour les autres, je pense, mais ça fait dur à croire pour moi. Mais non, c'est ça. La vingtaine, ça a été plus dur que la trentaine pour moi. Fait que je suis bien en trentaine. Je suis vraiment à l'aise. Je resterai là. Tu sais, je bougerai plus. On pourrait arrêter le temps, puis je bougerai plus vraiment. Là, tu sais. J'espère pouvoir en dire autant. C'est ce qu'on va savoir dans deux petites années. Ça s'approche assez vite. Puis ce que je reprendrais peut-être de la jeunesse, pas nécessairement la vingtaine, puis la fin d'adolescence, mettons, c'est ma capacité à pouvoir aller dans des parties, puis boire, puis puis pouvoir m'en remettre tout de suite le lendemain. Parce que là, ça prend 2-3 jours à chaque fois. T'sais, quand tu prends une brosse, c'est beaucoup plus long à chaque fois. C'est rendu, il faut que je fasse attention quand je mange. Là, j'ai pris un break de cochonnerie depuis 2 semaines. Je mange juste des légumes, des bons repas parce que j'ai commencé à avoir des mal de ventre. Puis mon corps me disait non, gars, arrête de manger gras, ça marche plus. Puis là, c'est comme, OK, quand t'es rendu à un point que ça fait ça, alors que quand t'es jeune, ado, ben tu bouffes des poutines à chaque jour, ça dérange pas. C'est là que tu te dis non, gars, t'as plus 16 ans, réveille, là, ça marche plus. Là, ton corps, il est pas content. Il n'y a pas juste l'alcool, il y a ça aussi, comme tu dis, la bouffe. c'est, ça change quand tu vieillis. Puis il faut que tu. Non, vraiment. Maintenant, il faut que tu changes tes habitudes. Je les ai changées, moi, considérablement. Il faut dire que j'étais rendu à un point que je mangeais vraiment de la crap. Puis j'étais plus bien dans ma peau pantoute. Là, mais en tout cas, ça, c'est une toute autre histoire. Mais c'est ça. Ça change. Ça change en vieillissant. Puis... Pourquoi j'ai choisi ce thème-là comme podcast? C'est déprimant. Moi, je suis tanné, gars. On arrête ça là. Puis on va parler de quelque chose de plus joyeux. Ben, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs qui nous écoutent. On parle de films qui parlent de. Non pas de. Ben oui, de vieillissement, mais surtout de rajeunissement. Mm-hmm. Steven nous a choisi deux films pour cet épisode-là. Le premier étant Miss Granny, un film de 2014 qu'on pourrait pas encore vraiment parler de classique. Fait qu'on ouais, s'éloigne c'est encore un très tôt. Peu, on s'éloigne un peu de notre concept de départ, mais Steven va nous parler dans quelques instants de son choix, pourquoi il a fait ce choix-là. Et. L'autre film, c'est Freaky Friday. En fait, le remake du film de 76, c'est le film donc de 2003 avec Jamie Lee Curtis mm-hmm. et Lindsay Lohan. Miss Granny, j'ai oublié de dire, c'est un film coréen. Ouais. C'est ça, Freaky Friday. Et donc, pourquoi tu as choisi ces deux films-là rapidement? Ben, rapidement, comme tu veux, là. Ben, ça faisait quand même un petit moment que j'avais mis Miss Granny dans ma liste d'attente, puis j'avais peur que le film finisse par être dédité de Netflix, parce que ça arrive assez régulièrement dernièrement. Je trouve qu'il y a des films que j'avais mis puis que j'ai pas eu la chance de voir. Et le DVD ou Blu-ray du film est pas si trouvable que ça. Enfin, je me disais que c'est peut-être la seule chance que j'ai de le voir. Et j'étais intrigué de le voir parce que c'est un film qui était au Fantasia il y a deux ou trois ans. Puis il avait reçu beaucoup, quand même beaucoup d'éloges. Puis globalement, le film, ça a été un gros hit en Corée. Puis vraiment, ça a été un film très aimé du public. Mais en ce moment, il y a 7.3 sur IMDb, fait que c'est quand même bien. Ouais, c'est quand même bien. Puis là, ensuite, dans les jours qui suivèrent, j'avais envie de voir Freaky Friday. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, crime, ces deux films-là, ça peut quand même fitter ensemble. Puis là, c'est là que je t'ai proposé de faire cet épisode-là qui déroge un peu à la règle, comme tu dis. Parce que c'est pas nécessairement un classique, puis c'est pas nécessairement un navet non plus. Non, c'est ça. C'est ambigu. À moins que, finalement, tu décides d'enlever le film de Jamie Lee Curtis, puis toi, tu nous parles du film original que peut-être tu mettrais dans navet. Parce que j'en ai profité pour voir le film. J'avais pas vu aucun des deux films, puis j'en ai profité en plus pour voir le film avec Jodie Foster, le film de 76. Mm. Fait que je vais en reparler tantôt. Mais non, ça déroge un peu, mais en même temps, moi aussi, j'ai fait des choix au fil des derniers mois, comme Quiz Show. Est-ce que c'est vraiment un classique comme The Wanderers? Est-ce que c'est vraiment considéré un classique? T'sais, c'est mes choix à moi, que moi je voyais ça comme des classiques, mais c'est tout le temps discutable. Mm-hmm. Puis il va y en avoir d'autres au fil des prochains mois aussi. On choisit un peu ce qui nous tente. T'sais. On veut pas non plus se faire chier avec des films qui nous tentent pas sur le coup. Non. Puis tu sais, en même temps, je trouve ça peut-être intéressant de temps en temps de faire un épisode avec un film plus récent. T'sais. Puis c'est sûr qu'un film qui est récent, c'est difficile à dire. C'est un classique, c'est tôt comme tu dis, mais tu sais, il y a déjà des films des fois qu'on peut écouter et se dire, d'après moi, dans ma filmographie, ça serait un classique, je l'ai vraiment apprécié à ce point-là. Tu sais, à la base, dans ma tête, si je parlerais d'un classique moderne, ça serait genre un classique, ça serait genre un film qui aurait gagné l'Oscar du meilleur film ou qui aurait été nominé aux Oscars ou dans des gros festivals comme ça, des grosses remises de prix ou à Cannes, tu sais, qui aurait remporté des gros. Tu sais, un film comme. Je sais pas, moi, je l'ai pas vu, mais 12 Years of Slave ou des trucs comme ça. Je sais pas, des gros films importants. Ben, tu peux te consoler. La jeune actrice qui joue Miss Granny, elle a quand même été nominée pour un meilleur rôle. Ah, mais il n'y a pas de consolation. Je dis ça de même, mais c'est ça. je suis pas en train de critiquer ton choix, là, c'est pas ça. On en parle nos opinions après, mais je faisais juste dire ça, tu sais. Si j'avais à choisir un classique moderne, ce serait dans ce total de films-là qui sont primés aux Oscars ou ailleurs, là, premièrement. Mais après ça, c'est ça, comme tu dis, on peut élargir un peu le concept. Mais en gros, j'ai compris ton clin d'œil. J'ai compris pour les prochaines fois, Jean-François. ben, parlant des prochaines fois, je veux juste... je n'ai parlé un peu sur Periscope. En fait, si vous n'avez pas... suivi sur Facebook ou sur Twitter, je nous ai créé un compte sur Periscope, qui est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone. Je pense que ça marche aussi sur les Android autant que sur les iPhones. Moi, sur les iOS, moi j'ai un iPhone, fait que ça fonctionne très bien. Periscope, dans le fond, c'est du streaming live. Puis on a fait quelques vidéos. Les vidéos restent en ligne pendant à peu près 24 heures, exactement 24 heures en fait. Puis, c'est ça, dans le fond, je m'en sers juste pour parler un peu avec vous directement, si vous êtes là pour les voir. Puis je vais juste parler un peu de films que je viens de voir. Des fois, j'ai juste des réactions comme ça à vif après avoir vu un épisode d'une série télé. ou un film au cinéma ou quelque chose. Que... Mais en même temps, je ne veux pas trop rentrer dans les films parce que c'est ce qu'on fait dans Time Out. Fait que, on ne veut pas non plus empiéter sur nos autres affaires. Ça mais... peut servir pour réagir. T'sais, mettons, tu es en train de regarder la télévision, puis là, tu vois qu'ils viennent d'annoncer qu'ils vont faire un remake de Grease. Fait que t'es comme, what the fuck? Bon, ben, Periscope, j'allume ça. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Puis toi aussi, tu vas t'en servir de temps en temps. Fait que ça, on va parler là-dessus. Puis, fait que c'est ça, la semaine prochaine, là, en ce moment, on est le 11, 12 novembre. La semaine prochaine, on va faire un autre épisode de science-fiction. J'en parlerai à la fin de notre épisode-ci pour dire c'est quoi les films, mais on va faire un épisode régulier avec un classique puis un nanar. Puis, on va en faire un autre aussi dans deux semaines. On laisse un peu tomber les time-outs au mois de novembre, mais ils vont revenir, ça, c'est sûr et certain. Fait que, mais j'ai eu des flashs, j'ai eu des idées, c'est moi qui impose un peu mes idées, là, mais c'est ça, je voudrais faire ces épisodes-là, puis je trouverais ça le fun, fait que, on va voir, peut-être que ça va être plate à mort, peut-être que ça va être super le fun. Ben non, ça va être le fun. Fait que, on va là-dessus commencer notre match de bras de fer, qu'en dis-tu? Yes! Miss Granny est un film de 2014 réalisé par Dong Hyuk Wang. C'est un film coréen et je vais probablement massacrer les noms. c'est l'histoire d'une femme de 74 ans, une veuve qui vit avec son fils et sa famille et qui est un petit peu désagréable, disons-le, envers les gens, qui est souvent chialeuse, souvent qui réprimande les gens pour différentes raisons, parce qu'elle est juste malheureuse dans sa propre peau, dans sa vie. Elle travaille dans un restaurant avec un collègue qui s'intéresse à elle, mais elle se rend pas compte de ça. Et un jour, elle va rentrer dans un salon de coiffure, et en ressortant de son coiffure, elle va se rendre compte qu'elle a 20 ans, qu'elle est revenue à l'âge de 20 ans. Et donc, elle va profiter de l'occasion pour redécouvrir un peu les joies de la vie. On va en parler de toute façon en détail et je ne veux pas trop en révéler. Et c'est un peu ça le principe de base. Je ne sais pas si je devrais nommer les acteurs parce que, comme je dis, je vais massacrer les noms. L'actrice principale s'appelle Eun Kyung Shim. Et sinon, je vous invite à aller visiter la page IMDb. Je pense Moon Ina. Moon Ina, oui. In Hwang Park. Je trouve ça juste amusant de dire les noms, mais on n'est pas obligé. De toute façon, le monde va être comme... je pense pas qu'ils vont écouter et faire comme « Ah ouais, il y a Dong Hyun Sung dedans, ouais! » Et Jin Wook Lee. Jin Wook Lee. Fait que, j'ai pas d'extrait audio à nous faire écouter parce que y a pas de version française, je crois, ce film-là, puis j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de bande-annonce sur YouTube ou ailleurs. Fait que je pense qu'on pourrait aller directement dans notre critique du film. Ben oui. Je pensais pas qu'il y avait aucune bande-annonce en plus, ça m'étonne. Ben je veux dire oui, mais. Ok, en coréen. En coréen, c'est parce que j'aime ça qu'on puisse identifier quelque chose avec l'audio, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, mais. Ouais. Fait que. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, Miss Granny, c'est un petit film. C'est un petit film joyeux. C'est un petit film. Ça a quasiment, tu regardes les pochettes, ça, la couverture, ça a quasiment l'air, c'est pas comédie romantique, mais ça a des couleurs un peu, la typographie, tout ça, c'est très, très joyeux, très coloré, tout ça, puis c'est un film vraiment de bonne humeur, je dirais, moi, en général, là, c'est un film que tu commences, puis du début à la fin, t'as un genre de sourire au visage, tu sais, puis moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'actrice principale arrive vraiment, tu sais, la jeune, celle qui fait la fille de 20 ans, elle a vraiment beaucoup de talent pour nous faire croire que c'est une vieille dans la peau d'une jeune. Elle a vraiment des ajustements de parler, de mouvement, parce que, veux pas, le début du film, on passe quand même un bon 20 minutes à voir le très très quotidien de elle quand elle a 74 ans. Et de voir un peu son tempérament, elle a pas la langue dans sa poche, elle est tout le temps en train de dire aux autres quoi faire, elle a tout le temps des solutions à tout. En pointant le doigt, là, tu sais, puis En pointant du doigt, puis... veux pas, ça semble... En même temps, ça semble déprimer les gens, le monde semble... tannée de tout ça, à part son petit-fils qu'elle n'arrête pas de gâter, puis elle agit comme n'importe quelle grand-mère, là, il donne tout ce qu'il veut, puis il est heureux, puis c'est comme sa grand-mère préférée. Là. Puis je trouve ça intéressant parce que à partir de quand elle va décider d'aller dans la mystérieuse place de photographie, mais elle va attendre sa famille parler comme quoi qu'il devrait la placer dans une maison de personnes âgées pour s'occuper d'elle, tout ça, qui sont comme un peu tannées, puis t'as quasiment sa fille qui est quasiment là en dépression, là, elle est tout le temps malheureuse. Faut dire qu'elle est malade aussi au courant du film. On apprend un peu qu'est-ce qu'elle a. Mais ça va tellement la déprimer qu'elle va décider de s'en aller. Puis elle se dit, gars, ils vont être bons sans moi. Puis c'est là qu'elle va tomber sur une espèce de petite place de photographie qui sort de nulle part, qui s'appelle Forever Young. Puis elle va être attirée par un portrait de l'actrice Audrey Hepburn. Mais t'as raison, c'est un photographe. Je me suis trompé. J'ai dit ça, pour faire tantôt, c'est un photographe. Ouais. Photographe qui va la prendre en photo. Et j'aime beaucoup le moment qu'elle se prépare pour prendre sa photo, puis la petite discussion qu'elle a avec le photographe qui parle de l'actrice en tant que telle, Audrey Hepburn. Puis, tu sais, elle savait même pas qu'elle était morte, puis elle était comme ah, elle est morte, puis oui, ça fait 20 ans. Puis, non, c'est ça. À partir de là, elle va revenir jeune, puis elle va s'inclure dans la famille. Et c'est drôle parce que le 20 minutes qu'on prend un peu à voir comment elle agit, mais la jeune actrice. Elle l'a bien, parce que dès qu'elle retrouve sa jeunesse, elle a pareil la même coiffure typique de vieille de 70 ans, frisée, court, puis avec les vêtements. Puis elle rentre dans un autobus, puis elle ne sait pas encore qu'elle est jeune, mais tu sais, t'as une gang d'ados qui sont comme attirés vers elle, qui la trouvent pitoune, mais qui en même temps, c'est comme hein, pourquoi t'es habillée comme ça, t'es habillée toute vieille, puis elle commence à le chicaner comme vraiment comme une personne âgée. Hey, t'as pas de manière, mon jeune, puis elle pogne par le cou, puis. Je trouve ça vraiment drôle, c'est vrai qu'elle a bien, puisqu'au fur et à mesure que le film avance, veux pas, faut que l'actrice arrive à nous faire croire que c'est la madame de 74 ans, parce que veux pas, t'as beau rajeuner, tu perds pas tes habitudes que t'as pris, tu sais, de la manière d'agir. Fait que tout le film, c'est drôle de voir ces mimiques qu'elle a. Il y a une des scènes que j'ai vraiment trouvé le plus drôle. À un moment donné, elle va prendre le train, puis il va y avoir une madame à côté d'elle qui est avec son bébé, mais on dirait qu'elle sait pas comment. Mais tu sais, t'as elle qui va lui faire la leçon, qui va dire, gars, ton bébé, il a faim, tu devrais faire ici, il fait froid, pourquoi tu ne l'as pas habillé plus? Puis, tu sais, c'est comme une jeune de 20 ans qui fait la morale à une adulte de comment s'occuper de son bébé, alors que logiquement, elle a pas d'enfant. La scène du lait, c'est-tu celle-là, la scène du... Oui, de vache? Oui. Oui, c'est du lait crémeux puis du lait. Ouais, du lait crémeux puis du lait. Je me rappelle plus comment ça disait, mais. Qui dans le fond, qui est pas nutritif, qui a rien. Ouais, qui est pas nutritif. C'est vraiment drôle. Mais c'est ça, non, elle est vraiment très bonne son jeu et vraiment très bonne. C'est la manière qu'elle sa posture, la manière qu'elle a le dos courbé des fois ou qu'elle. Quand la première chanson qu'elle va faire avec le groupe de son petit-fils, elle a une façon de bouger qui est très façon de bouger d'une vieille madame de 70 ans, mais dans un corps de fille de 20 ans. Elle danse un peu cucu, un peu quétaine. Elle fait des choses que ça paraît douteux venant de son âge. Comme, quand elle apprend avec son petit-fils que le groupe est accepté, ben le groupe, ils se prennent tous un après l'autre dans les bras, puis elle tape les faufounes comme vraiment une grand-mère. Puis tout le monde sont comme OK. Mais c'est amusant parce que 40 minutes plus tard dans le film, ben, ils ont tous pris l'habitude de faire ça après de se taper ses faufounes. Je trouvais ça vraiment drôle également. Mais oui. Ce que j'ai vraiment aimé aussi, je dois dire, c'est que le fait qu'à partir de quand elle est jeune, elle se rend compte qu'elle peut aller porter des vêtements qu'elle pouvait plus, elle pouvait être plus à la mode, mais en même temps, elle décide de rester rétro, elle porte des vêtements qui semble vraiment sortir des années 60. Puis je trouve que le côté rétro est amplifié sur le visuel du film. C'est moderne, mais la photographie, le style d'éclairage, puis surtout l'habillement puis tout de la jeune fille, je trouve que ça faisait vraiment un petit côté rétro tout le long du film que je trouvais présent puis qui me plaisait beaucoup. Ça, je trouvais que ça allait avec la légèreté de l'humour qu'il y a dans le film. Ça faisait vraiment un petit film léger qu'on écoutait des années 60-70 qui sont vraiment le fun puis agréable là, à voir. Un peu comme, sans forcément les comparer, mais le film de Beach Party que tu m'avais fait écouter. Oui, oui. Tu sais, tu vois un peu le genre de petit fun que ça allait avec le côté de l'année. Puis je sais pas, ça me faisait penser à ça, Miss Granny. Oui, les costumes, ça, c'est super beau. On a droit à une scène de montage, obligatoire de ce genre de film-là. Parce qu'elle est dans un magasin puis elle essaie de tirer de vêtements. Non, j'ai aimé ça aussi. Je trouvais, tu sais, c'est léger. Là, c'est pas... Mais ça fit avec le style du film. Puis comme tu dis, visuellement, les costumes, tout ça, ça... Ben, c'est ça, exactement ce que tu as dit. Dans le fond, je répéterai pas, mais... C'est drôle parce qu'au début, quand j'ai commencé le film, à peu près les 30 premières minutes, que le film dure quand même 2h15, j'étais comme, OK, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi léger comme film, puis j'étais pas certain. Je trouvais que c'était pas qu'est-ce que je m'avais imaginé, mais tu sais, plus ça avançait, plus finalement j'embarquais de plus en plus. J'étais comme, ah non, ok, non, finalement, j'aime ça un peu la manière que le film y est fait. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que je m'attendais zéro à ce que ça soit un film musical, puis ça en est un en tant que tel. Il y a quand même beaucoup de chansons dans le film, puis on les voit chanter au complet. Parce que la première chose qu'elle va faire, elle va retourner dans l'espèce d'endroit de petit restaurant pour personnes âgées. Puis il y a une des madames qui est là, qui était en concurrence avec elle pour avoir le cœur du propriétaire de la place, le cuisinier qui, lui, est amoureux d'elle, en fait. Puis elle était jalouse, puis là, elle va aller chanter à 9 ans devant les petits vieux, puis tout le monde va capoter, puis elle le reconnaît, elle voulait un peu se revenger, fait qu'elle décide d'aller chanter, puis elle, de 20 ans, qui apparemment était déjà une très bonne chanteuse, puis elle va commencer à chanter, puis là, ça va attirer l'attention d'un producteur de télévision plus loin, plus son petit-fils à elle, qui va la remarquer, puis qui va la vouloir dans son groupe. Puis tout ce côté-là, moi, je pensais vraiment pas que ça serait ça, le film, puis ça m'a comme surpris, puis beaucoup fait plaisir. J'ai vraiment embarqué dans cette intrigue-là, le fait qu'elle prenne plaisir à être dans un groupe de musique, alors qu'au début, c'était un groupe de métal. C'est vraiment drôle, la première fois qu'il fait découvrir ses chansons, elle est comme vraiment offusquée, puis elle est chicanée, puis après, elle leur montre qu'est-ce que ça devrait être, les chansons. Puis là, ils sont juste là, déguisés en Kiss, en train de le regarder. Puis elle a fait sa petite danse de vieille avec sa chanson full joyeuse et des petites paroles amusantes. Je trouvais ça vraiment drôle aussi. Mais je vais te laisser parler un peu. Là. Pour continuer à ce que tu dis, dans le fond, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film sur la réalisation des rêves, sur les regrets, puis tu sais, une vie où tu as passé à côté un peu de tes rêves puis de ta vie, dans le fond. Parce qu'elle, on apprend au cours du film qu'elle a... Son mari est décédé à la guerre, tout ça. Puis il a fallu qu'elle élève son enfant. Elle était déjà enceinte quand lui est parti à la guerre. Il a fallu qu'elle élève son enfant tout seul. Puis elle a mangé de la marde toute sa vie. Ça a été dur. Elle a bûché toute sa vie. Puis c'est pour ça qu'elle est rendue vieille. Elle est chialeuse avec tout le monde. Elle dit à tout le monde comment faire. Parce qu'elle ne peut plus vivre. Elle a 74 ans. Elle ne peut plus recommencer. Mais justement, là, tout à coup, elle a une deuxième chance. Fait que là, elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Elle va pouvoir faire toutes sortes de trucs. S'acheter les vêtements qu'elle veut. Puis chanter dans un groupe, puis tout ça. Fait que c'est vraiment, là, c'est du fun, fun, fun tout le long, parce que elle fait juste de faire le fun, tu sais, elle se casse plus la tête, tout ça. Puis même, tu sais, au début, quand elle a pogné, elle s'est retrouvée à l'âge de 20 ans, elle a essayé de retrouver le centre de photos, mais elle l'a jamais retrouvé. Fait que, tu sais, elle est comme pognée dans cet âge-là, de toute façon, fait que aussi bien en profiter, tu sais. Mm-hmm. Elle se dit, tu sais, c'est ça, puis elle révèle pas son identité à personne, elle va vivre... C'est avec qui déjà qu'elle va vivre? Je suis mêlé un peu entre les personnages, là, mais elle s'en va vivre chez... Chez le propriétaire qui loue une chambre du restaurant. OK, c'est ça, OK. Puis, non, c'est ça, elle va vivre chez eux, puis elle rend visite, vu qu'elle vient amie avec son petit-fils, puis elle va être dans le groupe, elle va aller aussi chez elle, dans le fond. Ça. Puis elle m'a visite, elle demande, tu sais, je peux aller dans cette chambre-là? Puis le gars, il dit, ben, c'est la chambre à ma grand-mère, tu sais. Puis je suis pas sûr, mais elle a réussi à trouver le moyen d'y aller, tu sais. Puis mais elle va en profiter pour aller chercher de l'argent et tout ça. Puis. C'est ça qui est drôle, parce que, comme tu dis, c'est un film très joyeux, parce qu'elle va se concentrer vraiment comme à vivre pleinement le moment présent. Tu sais, c'est comme. C'est un don de Dieu, si on veut, une seconde chance qu'elle a eue, puis à sa rencontre, fait qu'elle décide juste de vivre à fond. Puis, veut pas, tu sais, on a pareil des flashbacks de comment elle a vécu, puis il y a le côté dramatique, je trouve, qui est comme pas trop. On tombe pas trop dans le gros mélodrame à nous faire broyer non-stop, là. Je trouve qu'il y a quand même un bon dosage entre la comédie puis les moments un peu plus tristes que j'ai vraiment appréciés. Puis, tu sais, quand tu vois les flashbacks de son mari, puis comment elle travaillait difficile, là, avec son enfant, elle était obligée de l'attacher après sa jambe pour pas qu'il sauve pendant qu'elle avait la vaisselle de tout le monde. Là, c'est comme... Tu vois, moi, j'ai noté que j'ai marqué c'est mélodramatique, mais il y a quelque chose de sweet dans tout ça, quelque chose de beau puis de touchant, même quand c'est mélodramatique. Et juste un bout que j'ai trouvé moins touchant, moi, ça m'intéressait moins, c'est la fille du propriétaire qui commence à pleurer chez eux, à chialer son père, tu sais, quand elle pense Ah merde, je suis en train d'oublier des bouts. Quand elle pense qu'elle trompe. Qu'elle trompe, mais. Qui couche avec elle, je pense. Avec la jeune, oui. Ouais, c'est ça, tu sais, elle se met à chialer, puis tout, puis raconter sa peine envers son père, tout ça, puis je trouvais que c'était vraiment trop. C'est l'actrice aussi qui jouait vraiment trop exagéré, là. Mais cette scène-là, je trouvais pas qu'elle était faite pour être dramatique ou plus comique, toi? Bon, ben, pas forcément comique, mais je l'ai pas pris au, comme une scène qui devait venir me toucher personnellement. Mm-hmm. OK. Mais... après ça, j'ai écrit... C'est cucu par moment, entre parenthèses, les montages vêtements, les flashbacks, mm-hmm. des scènes romantiques, tout ça. Mais les relations sont poignantes. Parce que on n'a pas... tu l'as mentionné un peu, il y a une madame qui est jalouse d'elle, tu sais, parce qu'elle est amoureuse du propriétaire, puis elle, c'est vers la fin du film que son histoire m'a vraiment commencé à me toucher, parce qu'il va... je sais pas si on devrait spoiler tout de suite, il va arriver quelque chose à... Tu peux juste dire spoiler pour ceux qui voudraient le voir, le film, arrêter, avancer de 5 minutes ou 2 minutes. Ouais, c'est ça, quelques minutes. Cette madame-là, tu sais, elle va décéder, mais la scène des funérailles, tu sais, pas des funérailles, mais tu sais, où ce que les gens viennent s'agenouiller devant son... son tombeau. Ouais. Tu sais, j'ai trouvé ça super beau parce qu'elle, elle venait à tous les matins, je pense, chercher un café américain. Puis là, il y a un plan de la caméra qui s'arrête, ou sa photo à la fin du film quand elle est morte, puis... Le propriétaire a laissé un café américain. Là, j'ai trouvé ça super beau. Il y a des petites touches comme ça qui sont vraiment... c'est groundé dans la réalité, dans quelque chose de vraiment poignant, malgré tout le côté fluffy du film, puis très, très heureux, très joyeux, très enfantin. Mm-hmm. Il y a quelque chose de vraiment touchant dans tout ça. C'est à ça que je voulais en venir, en fait. C'est malgré tout la légèreté, il y a quelque chose de quand même sur lequel on peut s'attacher puis émotionnellement, tu sais. Ah, je suis parfaitement d'accord. Il y a beaucoup de scènes à être liées. On dirait que chaque personnage, au fur et à mesure que le film va avancer vers la fin, que ce soit son fils ou le mari de sa fille, tu sais, qui vont tous avouer un peu à quel point elle est importante, puis que ça fait une différence qu'elle soit plus là, parce qu'elle se dit qu'eux, ils s'en foutent royalement, mais à quel point finalement c'est une personne importante dans la vie de ces gens-là. Puis je trouvais qu'il y a plusieurs petits moments vraiment de même qui étaient touchants vers la fin. Puis c'est quoi je voulais dire aussi? Il y a un truc drôle qu'on n'a pas mentionné, mais la première fois qu'on rencontre le producteur de télévision qui va devenir un peu son petit coup de cœur à elle, qui va tomber amoureuse, t'es voit en train de faire des auditions dans un TV show, puis là, il passe un groupe de jeunes filles, puis tout ça, puis là, le groupe s'appelle Sugar Girl, mm-hmm. puis il est comme, non, OK, c'est beau, c'est quoi le prochain? Puis c'est comme six-pack, puis là, tu vois juste un groupe de gars avec des six-packs qui sont tous en train de se toucher, les six-packs sont comme, ouais. Puis je trouve ça drôle. En même temps, je trouve que le film en rit un peu de tout ça. Puis tu sais, même le côté soap qu'il peut avoir dans le film, c'est le petit côté un peu, comme on disait, fluffy, mélodramatique. Mais t'as un des personnages qui écoute une émission typique d'émission coréenne soap à la Feu de l'amour, parce que c'est très populaire là-bas. Puis tu sais, il écoute l'émission, puis tu vois juste, c'est tellement overacted, puis c'est tellement ridicule. Puis il est comme, OK, il va l'avouer. Puis là, il avoue que finalement, c'est sa fille. La fille se retourne en broyant, puis ça fait un freeze, puis c'est comme ça à suivre, puis il est comme shit d'émissions, puis c'est vrai que ça fait tout le temps ça, ces émissions-là, là, même les Feux de l'amour, ça finissait avec un punch, puis après ça finissait à suivre pour voir la suite. Là. Je trouvais ça drôle, ça aussi. En fait, c'est ça qui m'a plu dans le film, tu sais, c'est. Je serais pas prêt à dire, mettons, que ça va devenir un grand classique du cinéma coréen ou que c'est une des meilleures comédies coréennes que j'ai vues, mais. Par sa simplicité et sa légèreté, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je me suis jamais emmerdé. T'sais. C'est un film de 2 heures. Puis j'ai vraiment eu du fun tout le long. Je trouvais que ça suivait bien. Puis même s'il y avait beaucoup de personnages, parce qu'au départ, j'étais comme OK, j'ai de la misère un peu à les différencier parce qu'il y a beaucoup de personnages. Mais au fur et à mesure que ça avance, tu finis pareil à les connaître, à voir leur développement. Puis tu sais, les moments musicaux, je trouve qu'ils viennent. Mettre du rythme un peu dans ça. Moi, il y a une couple de chansons que j'ai bien aimées puis que je me suis amusé à écouter par la suite. Là. J'étais allé regarder sur YouTube parce qu'il y avait le soundtrack. Puis j'ai trouvé vraiment le fun, surtout la dernière qui est très rythmée. Elle est vraiment le fun. Mm-hmm. Puis, non, moi, ça m'a vraiment plu, le rythme et la légèreté du film. Je pense que ça a fait du bien de ne pas avoir quelque chose de trop gros, en fait. Non, je suis d'accord. Puis moi, c'est ça. Moi aussi, en général, là, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je le recommanderais là, à ceux qui cherchent un film plaisant à voir en famille. Tout le monde, des gens de tous âges peuvent le voir. Puis C'est ça, c'est pas trop cucu, c'est pas trop sérieux, mais ça l'est quand même un petit peu, tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de touchant là-dedans. C'est drôle, c'est le fun, c'est divertissant. T'as des trucs des fois que c'est vraiment en parenthèse wrong, mauvais si on veut. Tu sais, comme à un moment donné, elle regarde un petit enfant, puis elle fait comme semblant Oui. d'y voler Son pénis. son pénis, puis de le manger, puis t'as juste la mère qui la regarde, c'est comme What the fuck? Puis elle est comme hop, puis elle y remet. Ça se peut-tu que ce soit genre un geste d'affection en Corée que. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça, puis j'en ai vu beaucoup de films coréens, mais c'est la première fois que je vois ça. Fait que je sais pas si c'est une habitude que les personnes âgées ont de faire, puis que les jeunes, normalement, ils font pas ça, mais ça m'intriguait. Mais il y avait ça, mais il y a aussi surtout que son patron de la job, ben lui, il est toujours amoureux d'elle, même si elle est jeune, tu sais, il le reconnaît. Mais il continue à essayer de la séduire alors que lui, il est vieux, puis elle est jeune. Fait que t'as plein de scènes, tu sais, ça a juste l'air d'un vieillard pervers qui tente de sortir avec une fille. Il arrive en moto parce que elle disait qu'elle trouvait le gars de télévision bien ben cool. Fait que lui, il décide d'essayer d'être plus hot. Fait qu'il arrive avec son scooter avec des pics, puis son casque en cuir, puis tout ça, puis... Voler ta saucisse. Ok, non, Chantal, elle vient juste de me faire la même affaire qu'elle a faite au bébé, là. C'est inutile, mais bon. Mais c'est ça, toutes les scènes avec son collègue qui tente de la séduire, tout ça, je trouve ça bien amusant. Même quand elle va se baigner dans le jeu d'eau, puis elle va dans la piscine à vagues avec son espèce de casque de bain, des fleurs qui Oui. fait vraiment personne âgée, je trouvais ça vraiment drôle aussi. Oui. Mais c'est Mais ça. qu'est-ce que t'as Ouais. pensé des chansons, toi? Quand j'ai écouté le film, je suis comme, ah, puis Jeff va être content, il y a des chansons. Ouais, je les ai bien aimés. Je les ai pas réécoutés par après, mais je les ai bien aimés sur le coup. Puis celle avec les flashbacks, j'ai bien aimé. Puis comme tu dis, celle-là de la fin aussi. Mais c'est ça. Sinon, j'ai pas rien de plus vraiment. J'arrive pas à. Tu sais, je peux pas m'en rappeler tant que ça, là. Tu sais, je les ai juste vus une fois, j'ai juste entendu une fois, Non, mais. c'est ça. Mais non, j'ai un souvenir, t'sais, j'ai une impression très positive de ça, Qu'est-ce que t'as pensé du petit revirement final là. à la James Dean? Ouais, je l'ai pas vu venir, mais j'étais pas trop trop surpris non plus, puis je trouvais ça le fun, mais je voudrais pas qu'il y ait une suite ou quoi que ce Non, soit, ben là. c'est ça, moi non plus, là. Ma blonde, elle était toute excitée parce que lorsque lui arrive et enlève son casque de moto, ben ça a l'air que c'est quelqu'un de bien populaire, lui, quand il est jeune. Ok. Je pense que c'est un chanteur pop ou quelque chose comme ça. Fait que là, j'étais comme, ben, j'aimerais ça partager ta joie, mais je sais pas c'est qui. C'est comme s'il était revenu en Justin Timberlake ou Justin Bieber ou quelque chose de genre, tu sais. Ah, ou en James Dean, justement, là. T'sais, ça représente un peu ça, là. Ouais. Mais. Mais qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, c'est ça, ils ont fait un remake en Chine cette année. Oui, j'ai lu ça en m'informant un petit peu sur le film, puis j'ai vu qu'ils ont fait un remake. Ouais. Je trouve ça étrange. Depuis une couple d'années, c'est la Chine et la Corée s'amusent à faire des remakes chacun de leur bord. J'ai regardé des films coréens, puis après, j'ai regardé un trailer chinois une couple d'années, puis c'est comme, il me semble que j'ai déjà vu ça, puis ça arrive assez régulièrement. Je trouve ça quand même amusant. Là. On a nous autres, les Américains, qui copient le cinéma asiatique, mais là, c'est le cinéma asiatique qui se copie entre eux en faisant des remakes. Là. Je trouve ça drôle. Puis le titre américain, le titre en anglais, c'est 20 Once Again, donc 20 ans encore une fois. Je sais pas, je serais curieux, je serais quasiment curieux de le revoir, mais. Je suis curieux de voir s'ils ont vraiment fait de quoi de différent. Je sais que ils avaient fait un remake chinois de Que pensent les femmes qui avait sorti avec Mel Gibson Oui. puis Ellen Hunt. Oui. J'étais curieux de voir un peu ce que ça donnait. Puis non, j'avoue que ça m'intrigue de voir ce que ça donnerait du côté chinois. Parce que veut pas, c'est pas la même culture, puis ils ont des valeurs quand même assez différentes les deux bords. Fait que ça pourrait peut-être donner un autre film assez différent. Moi, je connais plus le cinéma indien, puis je sais qu'ils ont des remakes de films américains. Tu sais, qu'il y a un film. Ah, j'ai oublié le nom, c'était avec Will Smith. C'était quoi le titre de ça? C'était. Ah, merde, j'ai oublié. C'est un gars qui aide un autre gars à pogner avec les filles. Ah, c'est. Ah oui. Itch, non, Ouais, quelque chose Twitch. comme ça. Je sais que ça Ouais. commence par H. Je pense pense que ça, c'est peut-être... Il y a un film de Bollywood que j'ai vu en 2007 au cinéma, puis c'était exactement le remake de ça. Ouais, c'est ça, c'est Hitch. Puis, tu sais, je sais qu'il y a un remake... je pense qu'il y a un film indien qui est sur Netflix. Hein, je pense qu'il est là en ce moment. C'est un remake de Back to the Future. En tout cas, c'est inspiré de Back to the Future, puis il y a des trucs comme ça, tu sais. Ça, je serais curieux de voir ça. Ouais, moi aussi, je l'ai pas encore vu, mais... Fait que c'est ça, non, pour revenir à Miss Granny, mais c'est ça, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, je vais me répéter, là, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je recommande à tout le monde, puis je sais pas comment en parler plus, là, je pense pas qu'on puisse faire un segment d'une heure là-dessus. Mais, Non, en même temps, comme on dit, c'est un film assez léger, c'est vraiment, on voit juste... Il faut le découvrir aussi, il faut voir les événements un après l'autre, il faut découvrir tout ce qui se passe avec elle, puis c'est, mm-hmm. c'est plein de petites touches, le fun, puis je veux pas trop en dire non plus, parce que je pense que le monde va avoir du fun à découvrir ça au fur et à mesure. T'sais. C'est ça, il y a des belles petites surprises, puis des petits retournements, vraiment le fun dans le film. Puis, puis le fun de ça, c'est dans le jeu de l'actrice, puis des différents acteurs autour d'elle, mais c'est surtout elle, elle porte bien le film sur ses épaules, puis je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Ouais, on a beau le décrire, il faut vraiment le voir. Là, ça m'étonne pas. Je pense qu'elle a gagné, je suis pas certain, elle avait été. Mais non, c'est ça, elle a gagné pour un. Au BAMSync Award, qui est, je pense, un peu comme les Golden Globes là-bas. Puis elle a comme gagné meilleure actrice. Puis en même temps, je suis aucunement surpris quand tu vois son jeu d'actrice dans le film. Là, elle est vraiment bonne. Puis je pense que c'est ça le côté le plus difficile façon de parler, mais le côté le plus casse-gueule que tu peux détruire ton film, c'est si ton acteur qui joue plus jeune ou plus vieux le personnage du film, si on n'arrive pas à se dire que c'est ce personnage-là, ben ton film est raté. Puis c'est pareil du côté de Freaky Friday avec qu'on va parler après. Là. Si on n'a pas l'impression que Lindsay Lohan joue Jamie Lee Curtis, puis que Jamie Lee Curtis joue Lindsay Lohan, ça marche pas. Là. Ben, tu sais, je trouve que ça marche pas. Mieux dans Miss Granny, je ne veux pas tout révéler mon opinion de Freaky Friday, mais ça marche mieux dans Miss Granny pour une raison, c'est parce que l'actrice est un petit peu plus vieille. C'est plus dur pour une fille de 13 ans de se mettre dans la peau d'une personne de 40 ans, mm-hmm. comme Lindsay Lohan, parce qu'elle n'a pas assez de vécu. Mais tu sais, Lindsay Lohan avait peut-être 15 ans ou 16 ans quand elle a fait le film, je ne sais pas. Là. Mais mettons, elle n'a pas assez de vécu, puis elle ne peut pas aller puiser dans des émotions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a jamais vécues, tu sais. Tandis que là, la fille, je sais pas quel âge qu'elle a, l'actrice dans Miss Granny, mais si elle a autour de 20 ans ou 25 ans, elle a déjà plus de vécu, plus de vécu émotif, c'est avec des relations, tout ça. Des avec sa grand-mère, tu sais, déjà là, elle a dû s'inspirer un peu de ses agissements de sa grand-mère. D'elle-même, tu sais, aussi, faut que tu puisses savoir connaître, faut que tu puisses connaître ces émotions-là, faut que tu puisses connecter aussi, tu sais. Mm-hmm. Quand t'es un enfant de 12, 13, 14 ans, t'as pas vécu autant de choses que ça, fait que... Avec ça, je pense que c'est plus facile. C'était plus facile pour elle dans un sens, puis elle est juste très bonne actrice. Non? Ouais. Je check un peu sur IMDb, j'ai aucune idée. Je pense pas avoir vu aucun de ses films qu'elle a fait. Là. Elle joue dans une adaptation de Hansel et Gretel en 2007. Ah oui, c'est elle! Un film qui s'appelle Sunny en 2011. Un film qui s'appelle Masquerade en 2012. Ok, oui. Là, je replace un peu mieux sa carrière. Là. Mais oui, effectivement. Séries télé aussi. C'est une très bonne actrice, en effet, parce que dans les autres films, elle est vraiment bonne aussi. Fait que... Non, mais comme toi, moi, c'est un film que je recommande facilement. C'est un film qui va plaire autant aux adultes qu'aux jeunes, je crois. C'est vraiment assez familial. Puis, avec la musique, puis tout ça, c'est le fun pour les jeunes. Ouais. Je veux dire, c'est coloré, c'est le fun, c'est vivant. Là, c'est pas un film plate. Là. Puis le film touche quand même des thèmes intéressants qui devraient plaire aux gens. Puis ça a quand même des bonnes petites morales. Puis ça tombe jamais trop dans le trop cucu. T'sais, comme tu dis, c'est un petit peu gnagnant par moment, mais c'est un bon mélange. C'est bien dosé. C'est ça, c'est un bon équilibre. T'sais, c'est jamais trop sérieux pour que les jeunes décrochent puis qu'ils disent « Ah non, c'est trop déprimant. » Mais en même temps, c'est ça, tu peux t'accrocher à ces émotions-là qui sont quand même lourdes par moment. T'sais, les émotions c'est des affaires qui ont rapport avec la mort ou avec des regrets, tout ça dans le passé. Mais mm-hmm. t'as aussi un côté très léger qui est très, très le fun, mais qui est pas non plus... qui n'est pas trop léger non plus. C'est un bon équilibre entre les deux, je trouve. Ouais. Puis la morale, c'est que si vous êtes jeune encore en ce moment, ben c'est le moment de réaliser vos rêves et de faire tout ce que vous avez envie de faire avant qu'il soit trop tard. Oui, parce que dans la vraie vie, il n'y en a pas de salon de photos. ça serait trop le fun. Hein? Ouais. De Forever Young, il n'y en a pas. En tout cas, je pense pas. Fait que là-dessus, on va aller en musique avec une chanson du film. As-tu une préférence? Oui, si je me trompe pas, c'est... ben, je sais pas c'est quoi le titre. C'est la dernière chanson qu'elle chante pour le concours. Je pense que c'est Once ou... c'est quoi? Once Again, c'est ça. Once Again. Parfait. On va écouter ça, puis on revient tout de suite avec Freaky Friday. Eh bien, nous revoilà pour le deuxième film, et je ne vais pas dire comme d'habitude section Nanar Navet parce que c'est touché pas mal. Et sans vouloir dévoiler déjà mon opinion, je ne considérais pas Freaky Friday comme un Nanar ou un Navet. Fait que ça serait pas la bonne définition. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Freaky Friday, un film de 2003 de Mark Weathers, aussi connu sous le titre de Un vendredi dingue, dingue, dingue. Il me semble qu'il manque un dingue là-dedans, vraiment, pour que ça soit une traduction fidèle, tu sais, du titre. Là. Ça m'agaçait. Ça met en vedette Jimmy Lee Curtis, Lindsay Lohan, pardon, et Stefan Tobolowsky. Mon Dieu, je pense... j'ai eu plus de misère à prononcer son nom à lui que les Coréens tout à l'heure. Ça raconte l'histoire de Tess Coleman qui est sur le point de se remarier. Et sa fille Anna, de 15 ans, qui est une rockeuse rebelle, prépare quant à elle son premier concert rock. Seul problème, elles ne s'entendent pas du tout. Elles n'ont rien en commun, que ce soit en matière de vêtements, de musique ou d'hommes. Alors qu'elles se rendent dans un restaurant chinois, elles goûtent des biscuits de la chance ensorcelés qui, le lendemain matin, ont pour effet d'avoir échangé leur personnalité. Obligées désormais de vivre dans le corps de l'un et l'autre, les quipropos commencent. Fait qu'on va aller écouter un petit extrait et on revient tout de suite. Exactement. Oh, est-ce que je peux avoir juste une minute, s'il te plaît? Chérie, écoute, je crois que quelque chose nous est arrivé. Qu'est-ce que t'es? C'est moi, maman. T'es pas ma mère, toi? Oui, c'est moi. Va-t'en de là, stupide clone! Ne prends pas ce ton avec moi. Oh mon Dieu, t'es vraiment ma mère! Et tu n'es pas qui tu crois être. Regarde-moi! Oui, je sais, il semble bien qu'on soit l'une dans l'autre. Eh bien, faut pas se gêner. Oh! Je ressemble à une momie égyptienne! Ok, ça suffit, hein. Oh! Reprendre mon apparence! Tu crois que je veux pas la mienne? Moi, demain, je dois me marier! Oh mon Dieu, c'est mon mariage demain! Je peux pas épouser Ryan! Ok, quoi? J'ai aucune idée. Maman, peut-être bien qu'on devrait se présenter à l'urgence. Oh non! Tout ce à quoi on aurait droit, c'est de passer 72 heures enfermé chez les fous à la Thorazine, rien de plus. Non, on ne va aller nulle part. Ah, ok. Donc? T'as pris mon apparence et j'ai pris ton apparence. Et pourquoi pas faire... Oui, je vois ce que tu veux dire. Un choc. Ok, tu vas là-bas et moi je vais de ce côté. Ok, maintenant quand je dis fonce, t'es prête? Oui. Fonce! Dis-le! Ok, c'était stupide. Eh bien, Freaky Friday, mon cher JF, moi, j'ai pas... pour être honnête, mon histoire avec ce film-là, j'en ai pas vraiment. C'est un film que, lorsque c'est sorti en 2003, moi, je m'en foutais. Je me foutais des films de Walt Disney. Et même si j'adore Jimmy Lee Curtis, à l'époque, je portais pas vraiment attention à ce style de film-là. Puis ça m'a juste pas intéressé. Et pour une raison quelconque, après plusieurs années, vu que je suis devenu vraiment... un grand fan de Jimmy Lee Curtis, puis que je trippe en ce moment de la voir dans Scream Queen, mais je me disais, j'ai envie de la voir dans d'autres choses que j'ai pas vues, puis Freaky Friday, ben c'est un bon choix. Fait que c'est juste ma petite histoire. Toi, t'as-tu une histoire avec le film ou c'est un peu comme moi, dans le sens que tu t'en foutais à l'époque? Ouais, je m'en foutais. J'étais le plus vieux, j'ai 10 ans de plus à peu près. Mm. Puis c'est pas juste ça, c'est que tu sais, je suis dans les années 80. Aux alentours de... En 87, mettons, j'avais 10 ans. Puis en 87, c'était à peu près l'année, si je me trompe pas, de sortie du film Vice Versa, avec George Reynolds puis Fred Savage. Puis c'est le genre de film que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais jeune. Puis c'est comme... une fois que t'as vu ça, les autres films qui ressemblent à ça, t'as pas besoin d'y voir. T'sais, c'est la même histoire tout le temps qui est répétée. Fait que j'avais pas vraiment d'intérêt quand je voyais le poster de Freaky Friday. J'étais comme, OK, c'est Vice Versa, mais en fille, tu sais. Puis ce genre de fantasme, ce genre de film-là, ça répond à un fantasme de jeune, tu sais, qui se dit « Ah, j'aimerais ça être adulte, puis pouvoir faire ce que je veux, puis pas aller à l'école, puis ci, puis ça, tu sais, ça a l'air cool d'être plus vieux, j'ai hâte d'être plus vieux, puis tout. » Ça répond plus à ce fantasme-là, selon moi, qu'un fantasme d'adulte qui dit « Ah, j'aimerais ça être encore jeune, tu sais. Mm-hmm. » Je pense. Je pense que, au pire, le film Big avec Tom Hanks répondait plus à ça, à cette envie des adultes de devenir jeunes. Mais vice-versa, c'est le contraire. Vice-versa, ça répond à l'envie des jeunes de vouloir d'être adulte. En tout cas, peu importe. Mais je trouvais que le Freaky Friday, c'était pour moi, c'était trop léger, malgré les deux actrices qui... mais surtout, comme tu dis, Jamie Lee Curtis, qu'on savait déjà très bonne. Lindsay Lohan, bon, la... je ne peux pas dire qu'elle commençait vraiment parce qu'elle avait déjà fait de Parent Trap et d'autres affaires de même, mais... ouais. Coccinelle. La coccinelle, mais elle n'avait pas encore fait Mean Girls, fait qu'on ne sait pas trop. Moi, de l'extérieur, je la voyais comme juste une actrice à la Un peu comme Hilary Duff, comme toutes les autres là, qui sortaient à cette époque-là. Qui était pas mal à Walt Disney. Là. C'est ça. Fait que non, j'étais pas. C'était la première fois que je le regardais là, cette semaine pour l'épisode. Cool. Puis t'avais-tu vu le film original? Parce que j'ai oublié de le mentionner, mais c'est un remake. Puis le premier film, comme tu le disais au début, c'est avec Jodie Foster. Et toi, je suis content dans un sens pour avoir ça. Des fois, je me dis, crime, Jeff, il est cool. T'sais, des fois, Jeff, il veut regarder les suites ou les remakes, peu importe, pour que même qu'on fasse l'épisode, il puisse parler globalement. Puis moi, en même temps, je me dis, ben, ça me tombe pas. Puis c'est là que je me rends compte, quand tu me parlais un peu de ton impression du film original, je dis, maudit, je suis content de pas avoir la curiosité de Jeff. Des fois, c'est inutile. Je l'avais jamais vu. Je me suis dit. Puis tu sais, je partais avec un genre de préjugé négatif envers Freaky Friday 2003. Parce que je me disais, c'est un remake. Puis en général, dans ma tête, pour moi, les remakes, c'est moins bon que les originaux. Je me suis dit, puis tu sais, l'original, c'est avec Jodie Foster. Jodie Foster, qui est une actrice incroyable. Puis justement, dernièrement, le mois dernier, j'en ai parlé dans, je pense, c'est le plus récent épisode d'Horror Gamer, du film, comment ça s'appelle déjà, The Little Girl Who Lives Down the Lane. Un film de 75 ou 76, dans lequel elle joue, puis elle est super bonne là-dedans. Puis c'est à peu près la même année, fait je me suis dit, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais, tu sais. Puis, non, je l'avais jamais vu, puis je me suis dit, je vais en profiter, je vais pouvoir les comparer. Puis l'affaire aussi, c'est que l'original, en fait, cette histoire-là, Freaky Friday, c'est basé sur un roman. À la base, c'est un roman d'une femme qui s'appelle Mary Rogers. Puis c'est Mary Rogers qui a écrit le scénario de l'original. Fait je me suis dit, comment on peut se tromper? C'est l'auteur qui écrit le scénario. C'est la meilleure personne pour connaître ses personnages et tout ça. Ce que j'ai appris en voyant le film, c'est ce que j'aurais dû comprendre après toutes ces années que j'ai été à voir des films de Stephen King écrits par Stephen King, trucs comme ça. Laisse jamais un auteur écrire son propre scénario, c'est rarement bon. Pourquoi j'apprends pas? C'est... Ben, tu sais, dans mes notes de Freaky Friday 2003, j'ai marqué, la première fois que j'ai marqué, c'est tellement meilleur que l'original, 3 points d'exclamation. L'original, là, je le ferais même pas écouter à mon pire ennemi. C'est rough, là. C'est mauvais avec un grand M, puis un grand A, puis un grand U, puis un grand V, puis un grand A, puis un grand I, puis un grand S. C'est très mauvais. C'est pas que tout est mauvais. L'actrice principale qui fait la mère, je pense qu'elle s'appelle Barbara Harris, je dis ça de mémoire, je la connaissais pas avant de voir le film. Elle est extrêmement bonne pour me faire croire que c'est une fille de 13 ans dans le corps d'une femme de genre 40 ans ou 35 ans, peu importe. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très bonne, je trouve. Jodie Foster, le problème, c'est comme je disais tantôt pour Miss Granny, à la fin de notre segment de Miss Granny, je disais... Tu sais qu'une fille de 13, 14, 15 ans, je ne sais pas quel âge avait l'actrice, avait Jodie Foster à ce moment-là, peut pas aller puiser dans des émotions qu'elle n'a jamais connues, qu'elle n'a jamais vécues. Fait que je trouvais que, tu sais, en jouant l'adulte dans un corps d'adolescente, était juste flat, juste pas super. Puis le gros problème du film, c'est qu'il se lance dans des affaires pas rapport. La dernière demi-heure, t'as une poursuite de char qui a aucun rapport, qui est juste rocambolesque, quasiment à la coccinelle, justement. T'sais, c'est des films comme Choupette, comme Benji, comme cette affaire-là. T'sais, c'est vraiment avec des poursuites puis des cascades pas rapport. Cascades, tu sais, gentilles, là, t'sais, c'est pas Jackie Chan. Non. Puis t'as une affaire aussi où ce que la... Tu sais, la mère, dans la peau de sa fille, il faut qu'elle fasse du ski nautique à la fin, parce que la fille est supposément super bonne dans le ski nautique. Ben, elle est très bonne dans le ski nautique, mais là, justement, vu que c'est la mère dans le corps de la fille, elle n'est pas bonne, elle n'a jamais fait ça. Fait que là, elle est pognée pour faire du ski nautique, elle n'est pas bonne, tout ça. Puis maintenant, elle fait comme s'accrocher dans un gars qui fait du deltaplane, puis elle commence à s'envoler avec le deltaplane, puis là, ben, c'est plein de cascades comme ça, puis de cabotinage, puis j'étais comme... Fuck, c'est ridicule. Ils ont pris une prémisse qui pourrait être super le fun, puis qui pourrait aller dans les émotions, tout ça, puis dans les différences entre mère et fille, tout ça, puis ils se sont lancés dans des conneries de poursuite de char, puis de vol de deltaplane, puis tout ça, puis j'étais comme, c'est ridicule. La prémisse fait déjà toute la job. Pourquoi tu rajoutes des scènes d'action? T'as pas besoin de ça pour rendre ton film plus excitant. T'as déjà un sujet qui te permet tellement de situations. Puis, ben, il y a un personnage, je vais finir avec ça, il y a un personnage qui est comme le voisin, qui est un jeune homme d'à peu près de l'âge de Jodie Foster, qui, elle, est comme intéressée par lui, mais elle a fait quelque chose quelques années auparavant, je me souviens plus quoi exactement, mais elle a comme blessé physiquement. Elle a donné un coup de poing, quelque chose du genre, elle était jeune, puis elle était rebelle, tout ça, puis depuis ce temps-là, elle ne peut plus s'approcher de lui, fait que là, tu sais, elle le regarde tout le temps à distance. Mais une fois qu'elle est dans le corps de sa mère, en tant que sa mère, elle va essayer de s'en approcher, elle va l'inviter chez eux pour faire des travaux pour elle, puis tout, puis sous ce prétexte-là, puis elle va commencer à y parler, puis essayer de le croiser un peu. Puis lui, ben, il va beaucoup s'intéresser à elle, il va la trouver super fine, super gentille, tout ça, puis un peu comme dans le remake, il va s'intéresser à elle. Mais je sais pas, il est un peu... J'ai trouvé ça moins bizarre dans le remake que dans celui-là, parce que je trouvais ça un peu creepy, je le trouvais vraiment bizarre, il s'intéressait pas du tout à la jeune, il pas attiré pas en tout, il est vraiment, vraiment, vraiment plus intéressé par la femme de qui a le double de son âge, puis la seule chose que j'aimais, c'est qu'il était joué par un acteur que je connaissais, qui s'appelle Mark McClure, qu'on l'a tous déjà vu dans le rôle de Jimmy Olsen dans les films de Superman avec Christopher Reeve, mais il était beaucoup plus jeune dans ce film-là. Fait que... Puis, il revient... En fait, je vais le dire tout de suite, il fait un caméo dans le remake. Ah, pour vrai? Puis c'est quasiment son même personnage parce qu'il porte exactement le même nom. Un moment donné, Jamie Lee Curtis va rentrer dans son bureau de thérapeute parce qu'elle est comme... Elle est psychiatre, dans le fond, dans le remake. Puis... Il y a un livreur qui va arriver puis qui va venir porter quelque chose. Puis il dit, mon nom c'est Boris. Puis c'est exactement, c'est le même acteur, puis c'est le même nom de personnage que dans l'original. Fait que je trouvais ça drôle, c'est un petit clin d'œil à l'original, mais c'est le seul dans le remake, le seul clin d'œil que j'ai vu. Fait que c'est ça, dans le fond, l'original, c'est bourré de conneries par rapport. Jodie Foster est plate. Le seul bon point, c'est Barbara Harris, mais je le recommanderais quand même pas à personne. Autrement dit, c'est un gros navet. Pour moi, oui, très très gros navet. Fait que concentrons-nous sur le remake. Parfait. Eh bien, ben moi, je vais tout de suite y aller directement. Freaky Friday, la prémisse, je veux dire, on a vu ce film-là en retard, veut pas, mais ça a quand même été déjà fait avant. Mais je veux dire, après Freaky Friday, on a eu beaucoup de films qui ont fait un peu ce style-là. Tu as eu le film avec Jennifer Garner qui, pas forcément changé de corps, mais je veux dire qui revenait jeune. Ensuite, ouais. Tu as eu d'autres films, dont un avec Ryan Reynolds et Jason Bateman, si je me trompe pas, qui s'est changé les corps, ces deux-là aussi. C'est pas plutôt... Hey merde, c'est quoi son nom? Le gars qui est dans la High School Musical, là. Lui, il a fait un film tout seul qui rajeunissait, mais il y a eu un film aussi avec Ryan Reynolds et Jason Bateman. Ok, non, l'autre, c'était avec le gars de Friends aussi. J'ai oublié. Encore 17 ans ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. 17 again. Oui. Fait tu sais, la prémisse, on la connaît. Fait que Freaky Friday, tu sais où c'est que ça va s'en aller, tu sais comment ça va finir. Fait c'est un film vraiment prévisible puis typiquement américain. Mais moi, maudit que j'ai eu du fun. Mais vraiment, là, je veux dire, le film dure 1h30, ça passe à vitesse grand V. Jamie Lee Curtis là-dedans est vraiment écœurante. Elle a été nominée ou elle a gagné, ou je pense qu'elle a juste été nominée au Golden Globe pour son rôle là-dedans. Puis elle est vraiment bonne. Elle s'éclate là. Mais tu sais, quand tes acteurs ont envie d'être là puis ont vraiment envie de jouer dans le film, ça paraît. Puis elle, ça crève l'écran. Toutes les petites mimiques qu'elle va faire de jeune adolescente, là, c'est tellement drôle. À chaque fois, j'étais crampé. Puis je veux dire, tout le film, c'est un feu roulant de moments cocasse où tu fais juste sourire ou rire, littéralement. Moi, j'ai vraiment ri à plusieurs reprises, puis je trouvais que les jokes étaient bonnes. Puis il y en a qui vont se dire, ah, mais c'est un film de Walt Disney. Le film, ça aurait été marqué Columbia Pictures, ça serait la même maudite affaire. J'ai pas l'impression forcément que ça soit une production typique de Walt Disney, vraiment concentrée sur les enfants, parce que t'as des jokes, t'as des mots qui sont utilisés dans le film qui sont loin d'être typiquement Walt Disney, t'as des sacs par moment. Fait que c'est vraiment un film qui aurait pu être fait par une autre compagnie. Là. Fiez-vous pas à ça si ça pourrait être quelque chose qui vous arrête. Là. Mais pour débuter, globalement, moi, c'est ça que je voulais dire. J'ai vraiment eu beaucoup de fun avec ce film-là, puis je pensais pas que j'en aurais autant. Là. Je suis d'accord sur tous les points. Jamie Lee Curtis, c'est elle qui porte le film, plus que Lindsay Lohan, selon moi. Qui est bonne, pareil. Puis j'aime, il y a pas mal de scènes que j'aime avec elle, mais à chaque fois qu'on revient à Jamie Lee Curtis, je suis comme, ah si, oui, c'est vraiment bon. Non, tu vois qu'elle est une actrice qui a vraiment plus d'expérience, veut pas parce qu'elle est plus vieille. Puis comme je disais, elle peut puiser dans la jeune Jamie Lee Curtis qu'elle a été quand elle avait 13-14 ans aussi. Je veux dire, elle peut aller chercher ça. T'sais. Puis elle lâche son fou complètement, puis elle s'amuse, puis elle est vraiment très, très fun, puis vraiment très drôle. Puis Il y a plein de petites passes que j'ai aimées. C'est niaiseux, mais je sais pas pourquoi c'est celle qui me revient en premier, puis c'est même pas la plus drôle, là, mais c'est la passe des frites. Je me suis fait rire. Parce que elle se retient de manger des frites depuis, depuis 8 ans, comme elle dit, puis là... sa fille dans son corps c'est bien à manger, tu sais, puis elle arrive en temps dans son corps dans le corps d'adolescente, puis elle dit hey, donne-moi les frites, tu sais, je veux pas que t'en manges parce que ça va directement dans mes hanches, mais moi je peux en manger maintenant, tu sais, c'est cool. Puis elle goûte à sa première frite, elle dit oh, ma première frite depuis 8 ans. Yes. C'est peut-être parce que ça te touche plus personnellement à cause de tous les trucs de bouffe. Ouais, c'est que ça que t'as eu aussi. Mais moi ce que j'ai vraiment trouvé drôle par rapport à elle, c'est, tu sais, le fait que toute sa famille est habituée à ce qu'elle soit affectueuse, gentille avec eux, tandis que Lindsay Lohan est haïssable avec son petit frère puis avec son père. Mais là, c'est vraiment échangé, évidemment. Fait que c'est de voir Jamie Lee Curtis agir en vraiment en, comme une sœur qui se fout de son fils. Qu'est-ce que tu veux, comme, punk? Qu'est-ce que tu veux, punk? Puis là, elle fait un mouvement du genre comme je vais te péter à gueule. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que je l'ai trouvé drôle, ça, là. C'était vraiment les drôle. Pieds en l'air dans l'auto, puis... Les pieds en l'air dans l'auto, puis... je sais pas. Oreille. Ouais, personne n'aurait, alors qu'elle voulait pas laisser Lindsay Lohan se faire percer l'oreille. Fait qu'elle fait tout ce que sa mère voulait pas. Et encore là, il y a un montage de vêtements dans celui-là. Ouais, un peu moins cucu, je trouve. Non, un peu moins cucu, mais elle va quand même se chercher des vêtements, tu sais. Ouais. Dans l'original, c'est drôle parce que c'est Judge Foster qui va se chercher du linge. C'est la mère, dans le fond, c'est la mère dans le corps de sa fille qui décide d'habiller sa fille, puis de... Parce que sa fille est comme super à l'envers, puis elle s'habille mal, puis tout, puis elle va comme y acheter des nouvelles chaussures, des nouveaux vêtements, tu sais. Dans celui-là, bon, moi, c'est, je trouvais ça plus logique un peu que c'est la jeune fille dans le corps de sa mère qui va la réarranger, tu sais. Y couper les cheveux, puis tout. Puis tu sais, même si c'est des thèmes qu'on connaît, qu'on a déjà vu, moi, c'est des thèmes que j'aime, puis ça me dérange pas à revoir, tu sais. C'est quelque chose que... C'est une formule qui marche pareil, tu sais. Moi, c'est comme écouter un film de vengeance. Ça a beau être tout le temps la même structure. Sa femme, sa famille se fait tuer, peu importe, ensuite, il va se venger. Ça marche pareil. Moi, j'aime ça. Puis Freaky Friday, mais cette formule-là, moi, elle me plaît. Puis ça marchait. Tu sais, l'idée de voir la jeune fille qui dit que sa mère, sa job est facile, sa vie est facile, puis elle rush pas, de voir vivre une journée, de voir commencer à être mère, puis s'occuper de tout ce qu'elle a à faire, sa job, puis de voir sa mère qui, elle, dit c'est facile à l'école, pourquoi tu chiales, c'est pas la fin du monde, mais voir à quel point c'est pas facile à l'école. Fait que c'est tous des trucs que je trouvais le fun de découvrir, puis j'étais. D'un bord puis de l'autre, je trouvais ça super intéressant, même si Jamie Lee Curtis, évidemment, c'est elle qui frappe le plus, mais tu sais, je trouve que Lindsay Lohan, malgré ça, fait quand même un bon job. C'est drôle de la voir, elle, réprimander ou dire des trucs à ses amis, parler comme une mère, tu sais, leur dire « Non, on parle pas de sexe, c'est pas correct, pas de sexe », puis tu sais, des trucs comme ça, puis je trouve ça vraiment le fun. Surtout le professeur, tu sais, qu'elle arrêtait pas de dire à sa mère que son professeur avait une dent contre elle, puis pourtant, elle faisait des trucs corrects, mais il était tout le temps après elle, puis... Finalement, on va s'en rendre compte, puis on va voir un peu pourquoi les raisons. Puis c'est avec, je trouve, que ça amène des gags vraiment drôles puis efficaces. Ben, je trouve que c'est ça, ça prend la prémisse originale, puis ça la met à jour. Ça la met à jour avec en ajoutant un niveau émotionnel qui n'était pas là vraiment dans l'original, puis que je ne sais pas si c'était là dans le roman, mais avec le beau-père, tout ça, puis le père biologique qui est décédé. Ça prend pas une trop grosse place dans le récit, le père qui est décédé, mais ça en prend juste bien. Surtout vers la fin, ça arrive, ça nous rentre dedans plus. Puis moi, vers la fin, j'ai eu le mouton, là, j'ai eu des... Ah, moi aussi. Ben, la scène de discussion, tu sais, entre Jamie Lee Curtis puis Lindsay Lohan au mariage. Puis le speech, puis tout ça. Là, ouais. Le speech, puis tu disais, le fait que Lindsay Lohan soit jeune, qu'elle n'a pas forcément l'expérience pour jouer forcément une adulte, mais tu sais, cette scène-là... Je voyais vraiment comme Jamie Lee Curtis, le personnage, oui. Vraiment, qui parlait, puis je vois, ça fonctionnait, tu sais, je veux dire, oui, j'y crois quand même, tu sais, je dis ça, je critique un peu ça, mais en même temps, j'y crois quand même, tu sais, j'embarque dans le jeu, pareil, là. Mm-hmm. Puis il y a ça, puis j'aime beaucoup le fait qu'ils ont, au début, je pense que ça me dérangeait, qu'ils ont expliqué le phénomène de changement, tu sais, avec des biscuits, tout ça. Mm-hmm. Mais finalement, j'y ai repensé, j'ai fait, non, je pense que j'aime ça. Dans l'original... Tout ce qui arrivait, c'est que la mère et la fille disaient la même phrase en même temps. Ils disaient genre « Ah, oh, j'aimerais ça être dans le corps de ma fille pour une journée » ou « J'aimerais ça être dans le corps de ma mère pour une journée. » Puis bang, ils changent comme ça. Juste parce que chacune de leurs bords ont dit la même chose en même temps. T'sais. C'est un petit peu stupide. T'sais. Au moins, dans celui-là, c'est vraiment un côté plus... En fait, je trouve ça intéressant qu'ils utilisaient ça comme un genre de fantaisie asiatique. La vieille madame avait comme donné une leçon aux gens. Ben, juste folle, je sais pas, là, qu'elle est juste malfaisante. Là, mais je pense qu'elle veut comme... faire prendre conscience de certaines choses aux gens, tu sais. Mm. Puis non, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est ça, moi, c'est le côté émotif qui m'a plu vers la fin, qui a comme fait augmenter mon appréciation du film vraiment encore plus, là. Un peu comme dans Miss Granny, parce que t'es encore là, t'as des émotions auxquelles tu peux t'accrocher, dire « Hey, je m'intéresse vraiment à ces personnages-là, finalement. » C'est pas juste des coquilles vides, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Le fait que Lindsay Lohan, elle veut pas que sa mère... C'est ça que je dis, ça prend pas trop de place dans le récit, mais on le sent tout le long du film, qu'elle veut pas vraiment que sa mère se remarie. Mais on sait pas trop exactement c'est quoi le fond de sa pensée, pourquoi. On se doute un peu qu'elle aime pas trop ce nouveau beau-père-là, mais on n'a pas le fond de sa pensée. Puis là, vers la fin du film, on va finir par apprendre c'est quoi exactement, c'est quoi ses émotions. Puis là, j'ai fait, ah, c'est intéressant, ça, c'est vraiment le fun. Mais même les scènes avec le beau-père, même si c'est pas forcément le personnage le plus important du film, je trouve pareil qu'il y a une place primordiale dans les situations. Puis je trouve intéressant de voir évoluer, parce que veut, veut pas, on trouve des scènes avec Jimmy Lee Curtis drôles. Comment elle agit avec lui, tu sais, elle veut plus l'embrasser, à chaque fois qu'il vient pour l'embrasser, elle capote, puis c'est l'alerte, c'est vraiment drôle. Mais c'est de voir le fait que c'est en train de dégrader le couple, puis le pré-mariage, là, comme si ça mettait en doute s'il voulait encore se marier. Puis ouais. tu le vois dans l'évolution du beau-père, tous les effets que ça a, puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant, puis bien fait. Puis j'étais un peu déçu qu'ils n'avaient pas utilisé plus cet acteur-là, qui est Mark Harmon, qui est un super de bon acteur. Tu sais, on le voit depuis les années 80. Les amateurs de comédie des années 80 vont l'avoir reconnu pour le film Classe Vacances. Là, On a deux tripeux de Massacre à la tronçonneuse dans ce film-là. Mais il joue dans je pense que c'est NCIS depuis des années ou quelque chose comme ça. Il a joué dans plein de séries télévisées, plein de films. Mais il est vraiment super bon. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pris dans mes notes, j'ai écrit Mark Harmon est trop effacé, mais je comprends que c'est pas son histoire non plus, c'est pas lui la vedette, t'sais. Je l'accepte, là, t'sais. Mais c'est ça, ils ont pris un bon acteur pour jouer, puis ça prenait ça là, pour que ça marche là. Parce que si tu veux pas vers la fin, c'est quand même un personnage important, fait que tu veux pas te permettre de prendre un acteur anodin, là, même si c'est pas le personnage central là. Non. Puis un truc que je trouvais, c'est très secondaire. Moi, c'est le personnage du grand-père. Ouais. Puis, à chaque fois qu'il y a Earthquake, même Chantal, à la fin, on était juste crampés. Puis là, quand il y a eu réellement un tremblement de terre, à la fin, on est comme, oh, il va le faire, là, il est là, Earthquake! Puis moi, il repart. Moi, c'est le petit frère que j'ai aimé. Puis le petit frère, quand il imite le grand-père, quand tu fais semblant de l'imiter, il fait Earthquake! J'ai tellement ri, là. Fait, est-ce qu'il est baveux? Oui, ouais, il est vraiment drôle. Même avec le petit frère, j'ai touché. Je mélange mes mots. J'ai trouvé ça vraiment touchant lorsque Lindsay Lohan, dans le corps du Curtis, doit aller à la rencontre de parents. Puis elle va là, puis elle s'en fout. Puis comme, faites ce que vous voulez. Puis finalement, quand il mentionne qu'il a fait un exposé sur elle, puis qu'il dit à quel point qu'il aimait sa sœur, puis tout ça. Puis je trouvais ça le fun, comme scène. Non, ça faisait son petit effet. Il est bon, le petit acteur. Il a une face touchante. Il y a quelque chose de vraiment attachant, là, oui. Moi, et surtout les scènes dans les voitures, quand ils s'agacent les deux, puis à un moment donné, il essaie d'expliquer à sa mère que... Attends, non, c'est quoi qu'il faisait? Mais ça, il y a une blague... Oui, c'est quand Jimmy Lee Curtis, elle s'en va changer, mais là, elle a mis un string, vu que c'est Lindsay Lohan, puis lui, il avoue juste en train de remonter son string comme il faut, puis il est comme... oui, c'est vrai. Je pense que personne ne peut voir ça, là. Non, c'est ça. Non, surtout pas un petit clou, il ne veut pas voir sa mère en string, là. Un petit garçon. Il y a un acteur, c'est secondaire, là, mais tu sais, Jimmy Lee Curtis, comme je disais, est psychiatre, puis reçoit un patient tous les jours qui est vraiment névrosé. Ce gars-là, les fans de Sex and the City vont le reconnaître pour étant le personnage de Stanford, l'ami gay de Sarah Jessica Parker. Puis on l'a vu dans d'autres affaires. Je l'ai vu dans un épisode de X-Files aussi, à un moment donné. Mais c'est ça, c'est juste pour ça. On le voit plus vraiment beaucoup maintenant, je pense, mais on le voyait plus à ce moment-là à cause de cette popularité, à cause de Sex and the City. Puis je trouvais ça intéressant de le voir là-dedans. Mais c'est juste ça, j'ai rien de spécial à dire sur lui. J'allais dire, je l'ai pas reconnu, mais j'ai jamais écouté Sex and the City. Fait que okay. Je peux pas faire de lien. Puis c'est ça, dans ce film-là, il y a un lien avec Miss Granny. C'est que Lindsay Lohan est une petite rockeuse, je pense que tu l'avais mentionné tantôt, mais dans un groupe. Puis le groupe va aller auditionner pour. Dans le fond, c'est un gros enjeu. Là, si on se posait à aller auditionner pour participer à un concert ou je ne sais plus trop quoi. Puis, dans le fond, c'est supposé arriver en même temps que l'audition est en même temps que le mariage de répétition. La répétition du mariage, du souper de mariage de sa mère, dans le fond. Puis, ouais. Fait que c'est ça la grosse affaire. Il faut qu'elle arrive à trouver une façon de pouvoir aller à son audition quand même. Puis, à la fin du film, ça va être Jamie Lee Curtis ça va être la mère dans le corps de sa fille qui va aller jouer de la guitare. Puis encore là, ça va donner une scène qui est drôle, qui est le fun. Je pensais pas que ce serait aussi le fun que ça. Je me disais, ça va être super cliché. Mais non, finalement, j'ai vraiment aimé ça, la scène. Comment est-ce qu'elle allait s'en sortir? J'étais vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'elle allait faire, tu sais. Puis, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Les tunes sont moins accrocheuses que dans Miss Granny, mais sont correctes aussi. Oui, ben le soundtrack, je le trouve fun dans le film parce que ça me rappelle, c'est pratiquement toutes des covers, pratiquement, de classiques. Puis je le trouve fun, le soundtrack, parce que c'est des tunes, finalement, que j'avais entendues assez régulièrement quand le film est sorti, dont la tune qu'elle chante, là, elle chantait la chanson. Puis comme, je la connais comme si je l'avais entendue vraiment souvent, fait que... Je trouvais le soundtrack le fun aussi. Moi, j'ai surtout connu Happy Together, une reprise du groupe des Turtles. Oui, c'est vrai. Oui. J'en oublie, là, je me sens que j'en ai reconnu d'autres aussi. Tu as mentionné la scène des guitares, mais il y a une autre scène que je voulais parler qui était vraiment le fun, mais ça va me passer à côté. Sinon, après ça, j'ai marqué montage vêtements, si on en a parlé. J'ai marqué il y a un poids émotionnel. Une leçon finale, une réelle affection pour les personnages qui n'étaient pas présentes dans l'original, ça. Ouais, ça, j'en ai parlé aussi. Mais, on n'a pas vraiment parlé, mais tu sais, t'as comme le garçon que Lindsay Lohan a trippé à l'école qui, finalement, va finir par s'intéresser à sa mère, parce qu'elle a plus à cause du changement de personnalité. Mais je trouve ça intéressant, parce que autant ça peut paraître louche, parce que le gars va vraiment être accroché après elle, mais c'est pas forcément parce que c'est physiquement ou c'est vraiment sa mère qu'elle trouve hot. C'est vraiment en termes de personnalité. Oui, c'est ça, parce qu'elle trouve sa musique, dans le fond, puis c'est Lindsay Lohan dans le corps de sa mère, tu sais. C'est ça, puis elle a juste sa personnalité, puis même elle dit à un moment donné, en tout cas, je sais qu'il t'aime vraiment pour ta personnalité et non ton corps. Puis je trouvais que ça faisait pas déplacer, alors que peut-être aborder d'une manière différente, ça fait louche un peu dans un film de Walt Disney, un jeune qui trippe sur une adulte, là, si on veut. Puis moi, là, j'aime bien Chad Michael Murray. Je l'ai vu dans Gilmore Girls. On l'a vu dans notre épisode numéro 6 ou 7 du Bras de Fer dans Cinderella Story. Oui. On l'a vu dans House of Wax avec Paris Hilton. On l'a vu dans plein de films de cette époque-là. Puis moi, je l'aime bien, cet acteur-là. Il est bon. T'sais, là-dedans, il fait juste le gars un peu mystérieux, qui fait ça des faces de séducteur. Mais il est bon quand même. Il est bon dans son rôle, ouais, je trouve. Puis il chante bien Baby One More Time. Il chante bien, j'ai trouvé qu'il faut ça. Non, je niaise. Là, c'est beau. C'était voulu. Là, mais c'est voulu. Mais... c'est tellement drôle. Je pense qu'une autre scène qui était aussi cocasse que la scène de la guitare, je ne veux pas toutes les mentionner, mais de toute façon, le film est tellement rempli. Mais c'est lorsque Jimmy Curtis doit passer à une émission de télévision pour parler de son livre, mais évidemment, c'est Lindsay Lohan. Puis, c'est que la scène est drôle. Ça, on aurait... là, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Il n'y a vraiment aucune solution. Moi à sa place, je serais parti, j'aurais fait « fuck ça, je sac mon camp, il n'y a aucun moyen que je puisse m'en sortir. » Elle n'a pas lu le livre, elle ne comprend pas un des mots comme le sous-titre du livre. Tu sais. Elle demande aux personnes qui sont en train de la maquiller, tu sais, je sais ce que ça veut dire, mais je vois si le monde savent c'est quoi ce mot-là. C'est drôle parce que la scène, elle me rappelait quasiment Network un peu. Tu sais qu'elle va entraîner la foule, puis tout le monde va triper sur elle. Puis ça fait puis là, tout le monde la transporte sur le dos comme dans un show de métal. Puis là, tu vois Jimmy Curtis qui tripe bien raide. Puis en même temps, je comprends. Elle a dit ouais, du fun de tourner ça. Là, c'est juste du plaisir. Il n'y a rien d'autre là, à part de ça. Là. Mais non. Mais c'est ça qui est le fun pour un acteur, pour une actrice dans ces rôles-là, c'est de se lâcher complètement. T'sais. Ça doit être dur. Là, je le regardais tout le long. Ça doit pas être facile là, de laisser tomber toutes tes inhibitions, de dire ok, là, je me dégêne puis je fais la conne pendant tout le tournage. C'est parce qu'en tant qu'adulte, on a appris au fil des ans à comme se construire un peu à se mettre des limites, à se construire des barrières, tout ça. Avoir une petite bébite, une petite voix dans la tête, là. Oui, qui dit arrête, fais pas ça, tu sais. Puis t'sais... on entend souvent la voix de nos parents aussi dans notre tête qui dit arrête de faire ça, arrête de faire le con, puis arrête de faire ci, puis arrête de faire ça, tu sais. Ou comme on dit au Saguenay, arrête de faire simple. Mais c'est ça, tu sais, c'est. Mais ça doit être vraiment trippant comme acteur, comme actrice de lâcher son fou. On voyait George Reynolds dans Vice Versa des années 80 qui lâchait son fou aussi, puis tous ces acteurs-là qui font ça, c'est vraiment trippant. Là, C'est des belles opportunités. Tu regardes Thomas dans Big qui doit jouer juste un enfant. Là. Il devait triper à juste agir comme un enfant. Là, parce que j'ai 28 ans puis ma blonde n'arrête pas de me dire que j'ai deux enfants. Mais j'ai deux enfants à maison, faut que je m'en occupe comme si j'étais la mère des deux. Puis on garde tout notre côté enfantin. En tout cas, je crois là, que globalement, on a tout un côté enfantin qu'on cache puis qu'on essaie de contrôler parce qu'il faut devenir adulte. Puis tu sais... Des fois, ça, moi, j'ai pas de gêne à laisser sortir l'enfant à moi puis à être aussi gaga que mon jeune garçon. Puis, tu sais, faire un film comme ça, ça te donne l'opportunité de le faire devant tout le monde sans que le monde te regarde croche. C'est comme, non, c'est normal là, qu'elle agisse comme une jeune. Puis, puis je voulais dire ça, là. Tu sais, le film date quand même de 2003, mais j'écoutais Scream Queen, puis je me disais la même affaire, mais même vieille, plus âgée, est hot, Jamie Lee Curtis. Là, t'as-tu t'sais... vu le plus récent épisode? T'as-tu vu ce... Non, okay. J'ai pas vu. Mais est hot, je trouve que c'est une belle femme, elle paraît bien, elle est au naturel, puis yeah, ça y fait trop bien. En tout cas, je vais juste dire ça, là, elle kick des culs dans le dernier épisode. Oh ouais? Oh que oui. Ah ben là, il va falloir que je me rattrape, là. Il y a eu, pour l'information, je ne veux pas l'oublier, il y a eu en 95 une autre adaptation de Freaky Friday pour la télévision avec Shelley Long et Gabby Hoffman dans le rôle de la petite fille. Ah, OK. Puis avec, je pense qu'il y avait, si je vois, tu as juste la page Wikipédia, il y a Drew Carey, il y a Carol Kane, Alan Rosenberg qui a joué dans The Wanderers, Sandra Bernard, et plusieurs acteurs dans ce film-là. Jamais vu de pochette, jamais vu de trailer de ça, fait que j'ai aucune idée... J'ai juste vu ça sur Wikipédia. Mais c'est drôle pareil, parce que tu disais Mean Girl, puis tu sais, je t'aime beaucoup Mean Girl. Oui, oui, beaucoup. Que moi, j'ai pas vu. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode un jour. Oui. Ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, j'ai vu par la suite que c'était le même réalisateur, dans le fond, qui l'a fait. Ok, ouais, c'est vrai, tu m'avais dit ça. C'est vrai. Ouais, que c'est lui qui avait fait Freaky Friday. Mais comme ça. Je te disais, moi, la force de Mean Girl, c'est l'écriture de Tina Fey, celle qui écrit le scénario. Mm-hmm. C'est son humour, tu sais. Je peux pas vraiment. Dire que la réalisation de Freaky Friday est si marquante que ça. Ben en fait c'est pas tant la réalisation que la direction d'acteur surtout qui fait. Oui, oui. Je pense que ce gars-là est vraiment bon pour diriger ses acteurs parce que je regarde sa filmographie puis la plupart des films qu'il a fait c'est pas des films qui marquent en termes de réalisation mais qu'en termes de direction d'acteur le gars il sait qu'est-ce qu'il fait puis il est vraiment bon pour ça là. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il a fait d'autre. The House of Yes. Head Over Heels. Mean Girls, Freaky Friday. The Spiderwick Chronicles. J'ai bien aimé celui-là. Il est passé dans le bar. Là. Puis un qui m'a beaucoup surpris qu'il a fait, c'est Monsieur Popper et ses pingouins. Un film que je voulais rien savoir au début, c'est Jim Carrey avec des pingouins dans son appartement. Ouais, ouais, je l'ai pas vu, mais ouais. Mais c'est vraiment un petit film familial super sympathique. Puis encore une fois, Jim Carrey est vraiment bon dans le film, puis les acteurs aussi, puis le réalisateur a vraiment fait une bonne job de ce côté-là. Moi, j'avais bien aimé The Ghost of Girlfriends Past avec Matthew McConaughey puis Jennifer Garner. C'est lui qui a réalisé ça. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'était le fun. Puis l'année je sais pas en quelle année, c'est marqué To Be Announced. Il va faire le film de Sabrina de Teenage Witch. Teenage Witch. Ça me dit quoi? T'as-tu vu la série des 90, Sabrina? Je pense que oui. Okay. Ça me fait un flash. Elle vit avec ses deux tantes, puis elle a un chat noir qui parle. Puis... Oui! Oh mon Dieu, ça fait longtemps, ça. Oui, oui, je me rappelle. Ça pourrait être le fun, ça, un film de Sabrina? Ouais. Ça va me donner envie peut-être de revoir une couple d'épisodes, là, parce que ça fait trop longtemps. Ouais. Là, tu vas faire comme Jim, tu vas acheter le coffret. Oui, ça. Fait que c'est ça, en gros, Freaky Friday, j'ai rien de spécial d'autre à raconter. Je pense que j'ai fait le tour de mes notes, oui. Puis ça, j'étais content de voir le petit caméo de Mark McClure, mais dans le fond, tu l'as pas remarqué parce que tu n'avais pas... Ben, même Chantal, pourtant, elle a vu la série, puis elle n'a pas l'air de l'avoir remarqué. Ben, ça passe vite, puis le gars, il se ressemble plus pantoute, tu sais, puis... Mais tu sais ça, moi je venais juste de le voir dans le fond, fait que c'est pour ça que j'ai remarqué. C'est ça, les acteurs sont bons, les émotions sont là parce qu'à la fin j'ai failli pleurer sérieusement. je n'y ouais, pas. Moi aussi. J'avais vraiment la gorge serrée. C'est ça, comme je dis, ça rentre jamais dans le mélodrame, ça prend pas trop de place l'histoire du père biologique, mais c'est juste bien dosé, là, vraiment là, juste bien. Là. Ouais. C'est drôle, c'est le fun, ça tombe jamais dans le Ça tombe jamais dans les affaires trop loufoques comme l'original, comme la poursuite de char de l'original ou l'affaire du deltaplane. Au contraire, tu sais, ça reste toujours assez groundé dans quelque chose de plus, plus vrai, plus même quand c'est drôle puis un petit peu nono, c'est jamais, ça l'est jamais trop. Tu sais, il y a pas de moment inutile, je trouve. Toutes les scènes sont le fun puis ont une importance puis honnêtement. J'ai pas grand chose de négatif à dire. Tu sais, à part que oui, c'est classique, puis comme je dis, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais j'ai tellement eu de fun avec ce film-là que j'aurais rien à dire de mal, puis je serais prêt à le revoir n'importe quand. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, puis c'est un film que je vais avoir autant de plaisir à revisiter. Puis il y a Sylvain Desmartis qui l'avait marqué dans mes commentaires quand j'ai parti le film, qui aimait tellement ce film-là, puis il y a d'autres personnes qui sont venues me le dire, puis tu sais, je comprends maintenant, là, parce que c'est vrai que c'est le fun, puis ça fait du bien, des films comme ça, tu sais, c'est pas un film qu'on a besoin d'analyser ou que c'est du grand cinéma, tu sais, c'est juste du fun, puis ça reste ça, des fois, du cinéma, du divertissement, puis vraiment, là, moi, j'ai eu beaucoup de fun avec ces deux films-là, ça a été deux films plaisants, puis je trouve que ça fait du bien un épisode de même, parce que des fois c'est lourd, on fait des trucs qui sont plus difficiles à regarder, des fois plus poche, tandis que là je trouve qu'on a eu un bon épisode léger, tu sais, j'aurais pu écouter les films back-to-back, puis j'aurais vraiment passé une belle soirée. Là. Mais tu sais que j'aime ça, moi des fois, tu sais, il va y en avoir d'autres, des films comme The Longest Day ou des affaires comme ça. Là. Non, mais j'ai aimé ça de Longest Day, là, c'est pas ça. Mais des films challengeants de 3 heures en noir et blanc, il va y en avoir d'autres. Là. mais non. Mais c'est ça, moi je les recommande aussi. Là, autant Freaky Friday que Miss Granny, sérieusement, vous voulez passer un bon moment en famille, là, mettez ces deux films-là dans le lecteur DVD, puis vous allez vous amuser. Là, ça passe vite, c'est le fun, c'est jamais trop violent. Vous pouvez regarder ça à tous les âges de 7 à 77 ans, tu sais, puis. Et plus encore. Puis non, c'est vraiment le fun, sérieusement. C'est du divertissement de qualité. Puis sur Netflix, tous les deux. T'sais, si vous avez Netflix, vous avez vraiment rien à perdre. Là, vous pouvez l'écouter gratuitement. Je pense, en plus, je m'avance. En tout cas, je sais. Il me semble que Freaky Friday est en version française aussi sur Netflix. Mais je pense. Oui. Oui. OK. Fait que si vous écoutez vos films en français. J'ai l'impression que. Il y en a de plus en plus, ça se peut que je me trompe, là. J'ai l'impression que... Netflix? Ouais, des films en français. Oui, j'ai convaincu mon ami de prendre Netflix parce que il y a des films qui je trouvais qui pourraient l'intéresser, mais c'était surtout pour Daredevil. C'était comme, prends ça, puis faut t'écouter Daredevil. Mais oui, est en français? Oui, ben tout ce qui est fait par Netflix est en français. Puis il y a beaucoup de films maintenant, pratiquement tous les films de Paramount Pictures sont tous en français. Les films distribués par Alliance, si je me trompe pas. Fait que tu peux avoir les Rambo, Terminator. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, là, je checkais, puis à tout bout de champ, c'était juste anglais. Puis de temps en temps, un film sur 20, genre, tu tombais, puis il était en français. Puis de plus en plus, je regarde dans le choix des langues, puis français est souvent là. Fait que... Non, Netflix, honnêtement, il se force beaucoup maintenant là-dessus, puis... En termes de sous-titres, il y en a encore plus avec des sous-titres français. C'est sûr, hein. Fait que c'est encore mieux pour vous. Parce que tu sais, des fois, il y a bien des films qui n'ont pas de traduction, mais Netflix, ils mettent des sous-titres comme français. Miss Granny. Miss Granny, c'est vraiment. Miss Granny, je pense qu'il n'y a pas de sous-titres en français, y en a-tu? Honnêtement, j'ai pas remarqué. Mais tu sais, il y a des films, des fois, vous achetez en DVD, Blu-ray, que c'est juste en anglais, sous-titres anglais, mais maudit, sur Netflix, tu as pareil les sous-titres en français. Mm-hmm. Fait que tu sais, je veux dire, c'est de mieux en mieux, Netflix. Je trouve qu'il essaie d'aller chercher le plus de monde possible, puis il pense justement aux gens qui sont pas très habiles en anglais, puis qui voudraient pareil avoir Netflix. On en parle souvent dans les podcasts, mais c'est pas parce qu'on fait de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est un bon service là, à 8$ par mois. 8$, puis... Pour le choix que t'as, là. Puis t'as des films que souvent, ils sortent en Blu-ray, puis ils sortent pratiquement en même temps sur Netflix, surtout des films indépendants, évidemment. Mais pour moi, les grosses nouveautés, souvent, c'est les films indépendants qui sont meilleurs que les grosses productions qui sortent. Fait que, tu sais, vous en avez vraiment pour votre argent. Là, vous avez la chance de voir des trucs qu'en temps normal, vous n'avez pas le choix d'aller l'acheter pour l'écouter, puis que ça va vous coûter au moins un bon 16-18$. Là. Tandis que là, ça vous coûte 8$, puis vous pouvez toutes les voir. Parce que toi, Steven, t'aimes acheter pas mal tout ce que tu trouves, mais c'est ben ça. Ben non, voyons donc. Mais il y en a d'autres, tu sais, comme moi, qui n'achètent pas tant que ça. Puis tu sais, je préfère, tu sais, pour essayer un film quand t'es pas sûr, si tu vas l'aimer ou pas, tu préfères le louer, tu préfères aller, tu sais, je dirais aussi la bibliothèque. Moi, c'est comme ma bibliothèque a vraiment beaucoup de films, puis je sais que c'est la Jonquière, ma mère est abonnée, puis elle a beaucoup de sélections. Je pense qu'il y a vraiment de plus en plus dans les bibliothèques beaucoup de DVD que vous pouvez emprunter gratis. T'sais. En fond, l'abonnement, c'est une fois que tu payes une fois pour un abonnement à vie, je pense. Puis, ouais. Puis c'est ça, tu peux emprunter des tonnes de films dans les petites villes. Fait que je sais pas si c'est chez vous, chers auditeurs, si c'est la même chose, mais fouillez, tu sais. Vous pouvez regarder plein de films à bas prix. Là, les clubs vidéo meurent de plus en plus, mais ça, Netflix, c'est vraiment une bonne alternative. Puis les bibliothèques, puis ou sinon, ben, y a les magasins de films usagés. Là, mais c'est ça, je veux pas m'éloigner trop de ce qu'on disait, mais Netflix ça a vraiment beaucoup d'allure, je trouve. Puis ouais. Ça fait quoi, une couple d'années là, que je suis abonné, puis je m'en passerai plus. Là. Il y a surtout qui n'arrêtent pas d'annoncer des projets, que ce soit des téléséries, que ce soit des films. Là, ils ont parlé avec le réalisateur de Snowpiercer, qui a fait aussi The Host, un film monstre coréen. Mm-hmm. Ils ont demandé de faire un film, de s'associer, puis de faire un film de Netflix, puis ils ont, avec un gros montant d'argent, puis carte blanche. C'est comme, fais un film de monstre, puis fais ce que tu veux. Fait que c'est cool parce que Netflix, ils ont pas peur de donner la chance. Ils veulent se démarquer, puis ils veulent vraiment essayer d'offrir un produit qui va vraiment plaire à tout le monde, puis pas sombrer dans le gros problème qu'on a avec Hollywood en ce moment, avec les gros blockbusters. Là. J'ai écouté Terminator Genesis hier, puis j'étais quasiment en tabarnak, là. Mais en tout cas, je vais en parler plus en profondeur qu'une autre vidéo ou dans le prochain Time Out, là. Mais je veux dire, Netflix, c'est quand même un bel avenir devant eux, puis je suis vraiment content de l'avoir. T'sais, 8$ par mois pour tout ce qu'ils vous offrent, ça vaut vraiment la peine. Puis, mais pas un instant. Oui. Oui, hello? Oui. Ah, ok, oui, bonjour Netflix. Oui, oui, pas de problème, j'ai fait de la pub. Oui, vous pouvez envoyer le chèque à mon nom. Merci, bye. Non, mais parlant de Snowpiercer, ils viennent pas juste d'annoncer une série télé aussi de Snowpiercer? Oui, j'ai vu ça. Je le sais pas. Je pense que ça va être un petit peu trop long. Je sais pas, je trouve qu'en condensant en film 2 heures, je trouve que le concept est super bon. Le fait de se promener de wagon en wagon, c'est juste parfait dans un film. Une série avec plusieurs épisodes, j'ai l'impression que ça peut peut-être casser le rip. Puis, en tout cas, je vais laisser le bénéfice du doute, là, mais j'ai trouvé ça étrange qu'ils aient voulu faire une télésérie de ça. Fait que, ok, fait que dans le fond, on aurait terminé sur Freaky Friday. Ouais. Ok, fait que on va mettre mes idées en place. Dans notre prochain épisode, dans le fond, ça serait la semaine prochaine. Ouais. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est même pas ma suggestion. Ah, en fait, oui et non, c'est une suggestion de Vicky Langlois d'Horreur Gamer qui voulait parler de Masters of the Universe, bon, je finis par le dire, avec Dolph Lundgren, le film des années 80, je veux dire. Puis moi, ben, j'ai eu l'idée de le jumeler avec The Day the Earth Stood Still, le film de Robert Wise de 1951, et non pas La Merde avec Keanu Reeves de 2008. The Day the Earth Stood Still est pour moi un grand classique de science-fiction. Il a tellement influencé toutes sortes de choses. Il a même influencé Army of Darkness, mais ça, je vous le dirai plus tard pourquoi, si vous ne l'avez pas vu. Et c'est ce Master of the Universe, ben ça risque de donner des conversations très fun. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu le classique que tu viens de nommer, là, The Day. Ça, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai vu La Merde de Kinnery. Mais pour moi, Master of the Universe, c'est un classique du nanar. C'est vraiment du grand canon, parce que oui, c'est un film de canon, pour ceux qui ne le savaient pas. Et avec Dolph Lundgren, qu'est-ce que ça vous prend de plus? Dolph Lundgren, rappelle-moi, canon, c'est qui l'actrice connue qui est là-dedans aussi? C'est pas Courtney Cox? Ah oui, c'est vrai, il y a une actrice... dans Friends, c'est elle, je pense. Hein? Qui est dans Scream aussi, dans tous les Screams. Je suis pas certain, là. J'étais en train de vérifier rapidement. C'est Courtney Cox. Oui, c'est ça. J'ai complètement oublié qu'elle jouait là-dedans, c'est ouais. Drôle. Puis ça devrait être un épisode de fun, puis Vicky va participer, puis probablement Chantal aussi. Fait que ça devrait être assez amusant. Ça va arriver assez vite dans les prochains jours, en fait. On enregistre en début de semaine prochaine. Fait que On est en feu, là, à cause de GF, évidemment. À cause de moi, bien sûr, je vous mets de la pression, je vous fouette, puis... tu sais, des fois, GF, il me dit, on fait-tu l'épisode un peu plus loin, tu sais... Tu prends ça un break de 3 semaines. Tu break, puis là, c'est comme bang, bang, bang. Ah ouais, Steven, faut que t'écoutes les deux films avant mardi, puis... mon Dieu! Puis, ben, pour ceux qui seraient tentés, les deux films sont sur Netflix US. Fait que, d'ici là, on va vous souhaiter... Joyeux Noël, joyeux Saint-Valentin. Et regardez plein de bons films. Et on va se laisser en musique avec une toune de Freaky Friday. As-tu une toune de préférence? Ben, je pense qu'on devrait y aller avec la chanson du groupe à Lindsay Lohan. Parfait. Fait que là-dessus, continuez à regarder des bons films, puis on se revoit bientôt. Bye. À la prochaine. When I'm broken, like remember when you took my heart and put it back together again. I've been wasting time with clueless guys, but now it's over. Let me tell you why I'm through. I've got someone new who's just like you. You're it, you're the ultimate. It's automatic, I'm sure of it. No lie, so don't even you're not the guy. Oh.